en essayer un petit truc là. Est-ce que vous voulez essayer ça? Attends. Attends, mais je suis en train de chercher les accords. Attends, je vais me déconnecter pour chercher les accords.